عاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الشيخ بن باز في صفات هؤلاء الخوارج، يقول: العنف في الإنكار، أي من صفاتهم العنف في الإنكار. Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, pour décrire le Khawarij, il dit: ils sont sévères au niveau du blâme et au niveau du conseil. C'est-à-dire, ils n'ont pas de hikmah, ils ne mettent pas les choses à leur place. Et ça, ça fait partie de leurs caractéristiques aussi. Il dit Cheikh l'Islam de Taymiyyah: quand tu veux ordonner le bien, fais-le en bien. Et ne blâme pas un mal avec un autre mal. يقول الحسن البصري رحمه الله: لما رأى رجلا من الخوارج قال مسكين أراد أن ينكر المنكر فوقع في المنكر. فهؤلاء كما قال ابن باز رحمة الله عليه عندهم عنف في الإنكار، أي لا حكمة عندهم. الحسن البصري رحمه الله كنت il a vu un خارجي qui a voulu faire blâmer le mal par un autre mal, il a dit: pauvre. Il voulait blâmer le mal, il a fait un grand mal. Et c'est pour ça que Ibn Baz rahimahullah, il a dit qu'ils sont durs au niveau du blâme, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas les choses à leur place. Et c'est la première tendance qui est apparue en islam, et leur fondateur c'est Dhul Khuwaysira, celui qui s'est levé, qui s'est révélé contre le prophète alayhi salatu wasalam. Après, ils vont se révéler, ils vont assassiner Uthman, après Ali, après Khlas, après, ils vont apparaître à chaque moment. Hein? Et chaque fois qu'il y a une tendance qui apparaît, Allah subhanahu wa ta'ala, il la coupe. Une autre tendance arrive jusqu'à ce que le Dajjal sort au milieu d'eux. Et la principale caractéristique de Khawarij, c'est qu'ils ont pris l'indépendance dans la compréhension. Leur principale d'où de leur vient leur déviance, c'est le fait de se marginaliser dans la compréhension par rapport aux hommes de science. Au départ, par rapport au nouveau compagnon d'Allah Ali, quand Abdullah ibn Abbas est allé débattre avec l'Haruriya, il leur a dit: je viens de chez le khalif des musulmans et de chez les compagnons. Je vois qu'il n'y a aucun compagnon pas parmi vous. C'est-à-dire, comme il a dit Cheikh Mohamed Daman, il leur a dit: ce que vous avez compris, la voie que vous avez prise, c'est vous tout seul qui l'avez prise. Vous êtes marginalisé dans ce que vous avez, dans cette position que vous avez fait. Ah, et donc, l'une de leurs caractéristiques, c'est le fait de se marginaliser au niveau de la compréhension et de prendre l'indépendance dans la compréhension. C'est pour ça que l'une des règles, si nos plus prédécesseurs, d'Allah Alim, la mise en application du livre d'Allah et de la sunna du prophète, mais avec la compréhension des nobles compagnons d'Allah et ceux qui les suivent à la perfection, ce qui n'est pas le cas sur le Khawarij. Et la question peut se poser: est-ce que le Khawarij ont une fin? La réponse, elle est dans la parole du prophète. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est occupé de nous montrer les tendances, mais il a donné la tendance sur laquelle il nous a donné le plus d'éclaircissement chez le Khawarij. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils vont exister jusqu'à ce que Dajjal sort au milieu d'eux. C'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. Donc la communauté est tout prouvée par la tendance d'El Khawarij jusqu'à la fin. Est-ce que on aurait pu comprendre ceci s'il n'y avait pas la parole du prophète alayhi salatu wasalam? Ceci, disent les hommes de science, ils seraient compris, même s'il n'y avait pas la parole du prophète alayhi salatu wasalam. Pourquoi? Parce que la rébellion, hein, c'est convoiter un pouvoir. Et tant qu'il y aura des passions dans la religion, ben, il y aura toujours des gens qui veulent être les leaders, qui veulent être les chefs. Donc il y aura toujours des gens qui vont se révéler pour prendre le pouvoir. Hein? Qui vont se sortir contre les gouverneurs. Et quand ceux-là sortent contre les gouverneurs, Combien même quand ils se disent qu'ils sont pacifistes, là qu'ils font des manifestations, comme ils disent, pacifistes. Hein? Mais du moment que ceux-là, ben, dans la politique et dans l'activité politique, bah, quand la politique va les empêcher à assouvir la maladie du pouvoir qu'ils ont dans le cœur, les craintes, ils vont aller vers le sang. Vers le fait de couler le sang et vers le fait de prendre le pouvoir par la force. Prendre là le pouvoir par la force. Il n'y a qu'à voir. 200 000 Algériens se font tuer durant 10 ans. 200 000 musulmans innocents se font tuer. L'âge, quand il sort de prison, il dit ce n'est pas notre faute, c'est la faute du pouvoir qui ne nous a pas donné. Parce qu'ils ont gagné les élections. Hein, et il dit c'est le pouvoir qui est dans l'erreur, c'est lui qui ne nous a pas donné le pouvoir. Qui ne nous a pas laissé le gouverner. Donc ça veut dire que pour le pouvoir, l'être humain est capable de faire massacrer toute une communauté. Hein? Et ça, ça te prouve que c'est des personnes qui sont malades. Les personnes qui courent derrière le pouvoir, ils sont malades. Ils ont des trucs qui ne vont pas. Hein? Regarde, un exemple flagrant. Morsi se fait renverser. Khalas. On sait de part la voix de nos pieux prédécesseurs d'Allah, même quand un gouverneur se fait renverser par un autre qui a plus de force de lui, qu'il faut qu'il lui laisse la place. On ne bouge plus. Est-ce que Morsi et les Ikhwan Muslimin ont fait ça? Non, ils ne l'ont pas fait. Ils ont sorti les gens vers le massacre, vers la rébellion, vers les manifestations. Il y a eu quoi? Des viols, il y a eu beaucoup de choses qui ont été brûlées. Regarde le chaos technique, le chaos économique dans lequel se trouve maintenant l'Égypte. Prends maintenant ce cas-là, bien précis. Et le cas de Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan, quand il s'est fait assassiner, c'est à la période du pèlerinage. Donc beaucoup de compagnons, cette année-là, il n'est pas sorti comme émir du pèlerinage. Il a délégué quelqu'un d'autre. Beaucoup de compagnons étaient en pèlerinage. Il y avait les enfants du compagnon qui voulaient défendre Uthman ibn Affan. Il a dit non, je ne veux pas que le sang d'un musulman coule à cause de moi. Je ne veux pas que le sang d'un musulman coule à cause de moi. Compare ça à ce qu'ont fait les Ikhwan après avoir subi le putsch militaire. Regarde la différence qu'il y a entre l'œuvre et la façon d'agir du troisième calife de la communauté et ceux qui cherchent le pouvoir pour le pouvoir. Une question peut se poser aussi, c'est que qui est derrière Daesh? Que les choses ne se mélangent pas pour nous en tant que salafis ou en tant que gens qui cherchent la sunna. Parce que tout ce qu'on entend sur le terrain, dans les analyses politiciennes et les devinettes politiciennes, hein? Pour nous, en tant que sunni, en tant que salafi, c'est du pipeau. Parce que c'est parler dans le vide, parler sur des choses sur lesquelles on n'a pas de preuves. Mais qui est réellement derrière Daesh? Derrière Daesh, il y a Shaitan. Shaitan les a induits en erreur. Shaitan leur a inculqué l'ambiguïté du khourouj. Comme il l'a fait pour les premiers révoltés. Hein? À l'époque de Uthman, à l'époque de Ali, et à toute époque. Shaitan leur a embelli cette voie. Khlas. Et le sunni, ça lui suffit. Hein? Imam Ahmad rahimahullah et d'autres rapportent le hadith d'Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu arda contre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a tracé le trait. Et il a mis des traits de chaque côté. Il a dit, ce sont des chemins sur lesquels il y a un shaitan qui appelle. Khalas, les Khawarij, les Daesh et autres ont répondu à l'appel du shaitan. Hein? Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, de rapporter dans la réplique qu'il a fait aux gens de la logique, il dit si ces voies de l'égarement, et fait partie d'eux, le Khawarij, le Murji'a, Et ceux qui spéculent sur la religion d'Allah ne font pas partie des chemins, donc il n'existe pas de chemin. Et donc le hadith n'a aucune valeur. C'est-à-dire le hadith, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a tracé une ligne droite, et à côté, à droite et à gauche de la ligne, là, c'est plus. Et donc c'est qu'à la ce hadith, si le khawarij ne rentre pas dedans, et le murji'a et toutes les tendances déviantes, et tous les innovateurs ne rentrent pas dedans, ne font pas partie du chemin, ça veut dire que ce hadith n'a aucune signification. Hein? Cheikh l'Islam, l'imam de notre époque, qui est Cheikh Mohamed Nasser d'Al-Albani, rahmatullah alayh, dit si les groupes politiques musulmans maintenant ne font pas partie du chemin de l'égarement, il dit donc qu'il n'y a pas de chemin de l'égarement. S'ils ne font pas partie de ces chemins désignés par Rasoul Slassim comme quoi ce sont les chemins de l'égarement, donc il n'y a pas de chemin de l'égarement. Ça veut dire que ces tendances font partie des chemins de l'égarement. Et dans le hadith authentique, Abid al-Idris al-Khawlani, le long hadith concernant le fitan, le hadith de Hudayfa, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit que ses prêcheurs, il a dit de At ala abwa bi jahannam, man ajabahum ilayha qadafuhu fiha. Et dans ce hadith, dans lequel Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a détaillé la fitna dans le hadith de Hudayfa, radiallahu anhu wa arda, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit ce sont des prêcheurs sur les portes de l'enfer, celui qui leur répond, il le jette dedans. Et dans ce même hadith, Hudayfa a posé la question pour avoir leurs caractéristiques. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit Hum min bani jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit d'eux, ils font partie de nous-mêmes, il faut dire ils font partie de notre race, ils parlent notre langue. Cela veut dire quoi, disent les hommes de science? Que notre catastrophe, il ne vient de l'intérieur. Que l'édifice, il est détruit de l'intérieur. Il se fait détruire de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Et donc, Shaitan a égaré Dawa'ish et tous ceux qui sont leurs descendants et les a fait divier comme il a fait divier leurs aïeux auparavant. Hein? Derrière Daesh, il y a l'innovation, il y a l'égarement. Derrière Daesh, il y a l'ignorance et les passions. Derrière Daesh, il y a la convoitise du pouvoir. Le fait de convoiter le pouvoir et de vouloir gouverner. Et la parole, je vous ai cité la parole d'Al-Qardawi qui a dit qu'Abu Bakr al-Baghdadi faisait partie du Ikhwan. Il a une personnalité qui veut gouverner, qui veut avoir le pouvoir. C'est pour ça qu'il a rejoint l'organisation. Hein? Malheureusement, beaucoup de la jeunesse musulmane, sauf ceux qui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé vers la voie salafi, on les a remplis du fait de vouloir le pouvoir, de chercher le pouvoir, d'œuvrer pour avoir le pouvoir. Hein? Sauf ceux qui sont sur la voie du pieux prédécesseur d'Allah alayhi. Parce qu'on sait clairement, le pouvoir, il est, c'est qui l'a? C'est Allah. Et il le donne à qui il veut. Hein? Le pouvoir, Allah, subhanahu wa ta'ala, il le donne à qui il veut. Il l'enlève à qui il veut. Les versets sont clairs là-dessus. Hein? Il ne faut pas se leurrer. Et donc, l'introduction de tout à l'heure, concernant le khawarij, etc., c'est ça qui te fait connaître qui est derrière Daesh. Daesh derrière la tendance du Khawarij. Les livres de la pensée de Sayyid Qutb. Les livres de Al-Barqawi. Les livres de Soror. Imhada. Ça, c'est leur culture. Ça, c'est leur référence. Quant à ces, hein, essais malheureux qui veulent essayer de coller Daesh à la da'wa salafi, c'est quelque chose qui tombe d'elle-même. Parce que certains disent que ça découle de la da'wa salafia. Daesh, ce n'est qu'une branche de la salafia. Daesh, c'est le fait que les salafis gagnent du terrain. Et de là partent, ils veulent la critique de Ibn Taymiyyah, Cheikh Mohamed Abdel Wahhab, etc. Mais ça, c'est une calomnie et c'est une accusation qui n'émane de que quelqu'un qui est rempli de haine contre la voix des plus prédécesseurs, contre la vérité. Hein? Car les imams de la sunna et ceux qui sont sur la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, les anciens et les contemporains, ce sont eux qui retroussent leur manche pour combattre les esprits égarés dans la communauté. Regarde, rien qu'on a cité des paroles à Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, de Salman de Safar, il a dit, hada, ce sont des khawarij modernes. Rien qu'on lui a dit certaines œuvres que faisait Tabligh, il a dit, hada, c'est la Sophia moderne. Ah, et il a levé son étendard contre le combat des Ikhwan, et il a combattu les Ikhwan, les Sorori, et ainsi de suite, les Tabligh et autres, comme l'a fait Cheikh Ibn Baz, etc. Il compte les Salafis combattent les Khawarij derrière leur gouverneur. Ils les combattent comme, prenons comme exemple, ce qu'ont fait les nobles compagnons avec Ali derrière Ali radiallahu anhu arda. Hein? Prenons un exemple. Ils ne font pas, ils n'agissent pas d'eux-mêmes. Ils ne tombent pas dans l'anarchie. Ils savent que pour qu'un hein, que l'œuvre, s'il doit être valide, il faut plus que la sincérité qui est qu'il soit dans le bon chemin, qu'il soit dans le suivi. Sinon, il n'est pas accepté. Enfin, c'est l'égarement, et c'est Shaitan, et c'est la tendance d'El Khawarij qui est derrière Daesh. Sur beaucoup de langues, maintenant, on entend derrière Daesh, il y a les services secrets américains. D'autres, ils disent non. Et les analyses politiciennes changent. C'est devenu des devinettes entre eux. On peut appeler ça la devinette politicienne. Hein? Qui est derrière Daesh? Nusra, il dit, Jabhat Nusra. Pourtant, ils étaient ensemble. Ils se sont séparés il n'y a pas longtemps. Ils sont sur hein, les mêmes principes et le même fondement. Leur différence, c'est les politiciennes, tout simplement. Ben Nusra, il dit hein, que Daesh, il est financé par le pouvoir syrien. Et le pouvoir iranien. Le Mas'ari de Londres, il dit non, Daesh, c'est une fabrication saoudienne et américaine. Quelques mois sont passés, il revient là-dessus, il dit non, je reviens, je me suis trompé. Daesh, c'est la fabrication du Hizb al-Ba'th. Hein? Le Hizb de Saddam et le Hizb de Allah qui gouverne maintenant la Syrie, là, le tyran là. D'autres, ils voient que Daesh, c'est la fabrication iranienne et saoudienne. Comment ça se peut? Fabrication. Rafida avec les sunnas, unis avec les sunnas comme ça. Cette parole n'émane que de l'esprit de quelqu'un qui ne connaît pas la sunna. Et ça te prouve les analyses politiciennes et les devinettes comme ça vont nulle part. C'est du n'importe quoi. On ne dit pas qu'il n'y a pas que directement ou indirectement ils sont utilisés par les états ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abadan. Mais de tomber à ce point-là et commencer à déserter à ce niveau-là et devenir comme les frères musulmans et comme ces groupes politiciens, et à chaque fois, il leur faut pour faire sauver les gens de quelque chose, là ce sont des agents. C'est la fabrication des États-Unis, c'est la fabrication de ceci. Abadan akhal islam. Hein? Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, dans l'introduction à l'interprétation du Coran, dit que certains hommes de science intelligents qui étaient en divergence avec Zamakhshari dans son égarement, peut-être parce que Zamakhshari utilisait des belles expressions qui font partie de sa voix fausse, eux, ils vont utiliser cette belle expression, hein, tout en ne sachant pas que c'est une expression qui prouve la voie fausse qu'ils sont en train de combattre. Il en est de même aujourd'hui. Hein? Les innovations sont propagées. La pensée de ces partis, ces groupes politiciens islamiques, hein? Leurs analyses, leurs idées, les idées de ces groupes ont, hein, se sont propagées au milieu de la jeunesse musulmane. À tel point que celui qui combat ces groupes, des fois, il utilise le même langage et la même analyse qu'eux. Hein? Et l'homme de la sunna ne doit pas partir de ce point-là. Qu'est-ce que tu as ? Tu es un homme de la sunna. Et si on dit, bon, à travers l'histoire, oui, il y a Abdullah ibn Sabah a eu des alliances avec le Khawarij. Khlas. On ne dit pas que là, il n'y aura pas non plus. Il y aura. Hein? Mais l'essentiel, c'est de savoir que derrière Daesh, derrière le Jebha, il y a l'innovation. Et le salafi, ça lui suffit. Que c'est une innovation. Si l'innovation ne te fait pas peur, qu'est-ce qui va te faire peur? Hein? Et les ennemis d'Allah utilisent les divergents avec la voix du plus prédécesseur d'Allah pour détruire de l'intérieur. Parce que la destruction, elle vient de l'intérieur. Regarde ce qu'ils vont faire de l'Benna et de sa troupe. يقول محمود عفاس في كتابه مع الشهيد حسن البنا في الصفحة 13 فيليب إيرلاند السكرتير الأول للسفارة الأمريكية أرسل مبعوثا من قبله للأستاذ الإمام يعني البنا كي يحدد له موعدا لمقابلته بدار الإخوان وافق الأستاذ على المقابلة ولكنه فضل أن تكون في بيت إيرلاند إن المركز العام مراقب من القلم السياسي وسوف يؤولون تلك المقابلة ويفسرونها تفسيرا مغلوطا ليس في صالح الإخوان واصطحبني الأستاذ معه وذهبنا إلى دار إيرلاند في شقة عليا بعمارة في الزمالك il dit Les paroles sont prises dans le livre qu'a écrit Mahmoud Affaz, qui est intitulé « Avec le martyr Hassan al-Banna ». Et à la page 13, il dit « Philippe Irland, le premier secrétaire de l'ambassade américaine, a envoyé son émissaire vers Hassan al-Banna pour qu'il puisse lui prendre un rendez-vous avec lui pour qu'il le rencontre à la maison, c'est-à-dire au siège d'Ikhwan. » Al-Banna a accepté la rencontre, mais il a préféré que la rencontre ne soit pas au QG d'Ikhwan. Il a préféré que ce soit chez Irlande. Car le QG d'Ikhwan, il y avait les yeux des politiciens dessus, par peur que les politiciens ne détournent pas et n'écrivent pas des choses qui vont être après contre les frères musulmans. Et l'écrivain, il dit, Hassan ibn m'a accompagné avec lui. Ils ne sont allés à la maison d'Irlande, dans son appartement, dans le quartier Zamalek. Qala Irlande, laqad talabtu muqabalatukum haythu khatarat li fikra. Wa hiya limadha la yatimmu at-ta'awun baynana wa baynakum fi muharabati hadha al-adwi al-mushtarak wa huwa ash-shiyu'iyya. Irlande lui a dit, au moment de la rencontre, j'ai demandé à vous rencontrer. Parce qu'il m'est arrivé à l'esprit une idée. Pourquoi on ne s'unit pas, on ne s'entraide pas pour combattre notre ennemi en commun qui sont les communistes ? قال الإمام يعني البنا فكرة التعاون فكرة جيدة. حسن البنا dit l'idée elle est bonne. نستطيع أن نعيركم بعض رجالنا المتخصصين في هذا الأمر على أن يكون ذلك بعيدا عنا بصفة رسمية، ولكم أن تعاملوا هؤلاء الرجال بما ترونه ملائما دون تدخل من جانبنا غير التصريح لهم بالعمل معكم، ولك أن تتصل بمحمود عفاس فهو المختص في هذا الأمر إذا وافقتم على هذه الفكرة. البنا لوي ريبون دونك ليدي لي بون. On peut vous prêter des hommes qui sont spécialistes en la matière. Hein? Mais ce n'est pas d'une façon qui n'est pas officielle. On vous les prête. Mais officieusement, pas officiellement. Hein? Et vous avez à avoir les rapports que vous voulez entre eux et agir avec eux comme vous le voyez. Et nous, on ne va pas s'immiscer dedans, sauf qu'on va leur donner de vous rejoindre et de travailler avec vous. Et tu as, il lui a dit directement, tu as rentré en contact avec Mahmoud Affas, qui est le spécialiste en ce domaine. Si tu es d'accord sur l'idée. Hein? Hein, la question se pose. C'est quoi le caractère des entretiens qu'a réellement le Jama'a avec ses pharaons américains, avec les Américains? Hein? Pourquoi le Benna a tenu que ce soit secret, que ce ne soit pas au public, que ce ne soit pas dans le QG des Ikhwan? Pourquoi il l'a orienté vers le responsable des renseignements généraux du groupe? Parce que Mahmoud Affas, c'est le responsable des renseignements généraux des Ikhwan. Hein? Mohamed Ghazali يقول في معالم الحق وهو منه في الصفحة الرابعة والعشرين بعد المئة: ولقد سمعنا كلاما كثيرا عن انتساب عدد من الماسون بينهم الأستاذ حسن الهضيب نفسه، ولكني لا أعرف بالضبط كيف استطاعت هذه الهيئات الكافرة الماكرة بالإسلام أن تخترق جماعة كبيرة على النحو الذي فعلته. الغزالي يلدي il fait partie d'eux. C'est un Ikhwan, c'est un de leurs théoriciens. C'est le cheikh Diyal Qardawi. Hein? Il dit dans son livre Les emblèmes de la vérité à la page 224: nous avons entendu des paroles comme quoi certains nombres de frères font partie des loges maçonniques. Comme le professeur Hassan al-Hudaybi lui-même, et il était l'un des. Hein? Monsieur de l'âme, le secrétaire général, la tête, il avait le même poste que, hein, c'est, je crois que c'est le deuxième ou le troisième qui a remplacé Hassan al-Banna à son poste. Hein? Et le Ghazali, il s'étonne, il dit, je ne sais pas comment ces organisations mécréantes ont pu traverser et s'immiscer dans un grand groupe comme le groupe d'Irwan. Le Ghazali, qui fait partie d'eux, il dit que le Hudaybi était maçonné. Donc le fait que ces groupes aient la main avec l'ennemi d'Allah, ça, on le nie pas. Mais l'essentiel pour nous que ça rentre, que notre grand danger qui nous guette, c'est l'innovation. C'est l'innovation, c'est ça. Hein? Pour ça, pour faire fuir les gens de Daesh, il ne faut pas qu'on ce sont des agents, des Américains, quoi que ce soit. Ça sert à quoi? Si on veut atteindre le but de les faire fuir, il faut les faire fuir d'une façon légiférée. Les faire fuir en apprenant aux gens que ceux-là, ce sont des Khawarij, des Takfiriyoun. Hein? Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Nous avons les hadiths du prophète qui décrit le khawarij étant qu'il a bu nar ou qu'il a bu ahli nar. Dans le hadith, il est clair. Le Rasulullah les décrit étant les chiens de l'enfer ou les chiens des gens de l'enfer. Hein? Il est décrit aussi que ce sont les pires des tués ceux sur le ciel de la vie. Ça ne suffit pas pour faire éloigner les gens. Hein? Ou alors il faut leur dire que celui-là c'est un agent des Américains, etc. Il est obligatoire que nous rentrions dans les ténèbres de la politique pour éveiller les gens et les réveiller, revenir à leur raison. Obligatoire qu'on leur dise, non, Daesh, c'est la fabrication américaine, la fabrication juive ou autre. Hein? Et toi, tu entends aussi. Ah, les juifs, ils disent, Daesh, c'est la fabrication de Hamas. Ben, maintenant, dites-moi, c'est la fabrication de qui maintenant? À qui? Où donner de la tête? Qui l'a fabriqué, cette Daesh? Hein? Par Allah, qui l'a fabriqué? Ben, khlas, pour nous, Daesh, il y a derrière l'innovation et l'égarement. Khlas. Et ça suffit aux musulmans pour s'éloigner du mal, de savoir qu'ils sont des khawarij, que ce sont les chiens de l'enfer, ainsi les a appelés Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, que ce sont les pires des créatures. Sharru al-khalqi wal-khaliqa. Pourquoi? En mettant en application les textes. C'est notre devoir. Hein? On met en application les textes. Car ce qui est confirmé, c'est les imams de la sunna, c'est que les gens de la bid'a sont les pires. Ils font plus de mal à la communauté musulmane que le juif et que le chrétien de l'extérieur. Parce que Hadassi, de l'intérieur, il parle au nom de l'islam. Hein? Et il détruit de l'intérieur. Hein? Et c'est la voie sur laquelle étaient les pieux prédécesseurs d'Allah Alim. Cher Islam, Dominhaj Sunna, quand il a interprété le hadith, les pires des tués sur le ciel de la vie, il a dit qu'ils étaient pires tués. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui se font tuer sur terre, parmi eux il y a les juifs, il y a les chrétiens, il y a les associateurs et d'autres. Mais ceux-là sont pires. Parce qu'ils font plus de mal aux musulmans que les chrétiens et que les juifs et que les associateurs. Car ils vont tuer, leur but c'est d'aller tuer les musulmans. Tout un chacun qui n'est pas sur les mêmes convictions qu'eux, sur la même voie qu'eux, ils l'éliminent et ils le tuent. C'est leur but. Hein? Tout ce qui s'est passé en Afghanistan, en Irak, ça ne suffit pas. Hein? Wadakar Ibn Kathir, il a cité concernant le Khawarij, Daesh fait partie des Khawarij. Il dit, il faut lever l'étendard du fait de les décrire en étant des Khawarij et de les décrire avec l'innovation et que les musulmans, on doit leur apprendre l'âme de la sunna en décrivant la bid'a telle qu'il est. Hein? Et qu'est-ce qu'il en est d'une la plus pire des bid'a dans l'islam qui est la bid'a du Khuruj? Hein? Imam Ahmed Rahimahullah, dans les questions d'Abi Daoud, il a dit Acharru ahli ahwa al-khawarij. Les pires parmi ceux qui suivent les innovations et les passions, ce sont les khawarij. Tu as vu maintenant? Il est obligatoire que les musulmans sachent que le fait de les décrire de khawarij est suffisant pour se sauver d'eux et qu'on ne doit pas tomber dans les devinettes politiciennes et dans les analyses politiciennes comme le font ces groupes des Ikhwan, etc., etc. Hein? À tomber dans des trucs et à y mettre des idées sur lesquelles on n'a aucune preuve. Hein? Si tu dis parce que tel pays les aide avec les armes, ou parce que tel État, il les aide, et parce que tel État, il protège leurs commandants et leurs têtes. Et si tu dis qu'il a été confirmé qu'ils ont une alliance avec tel État, hein? Quelqu'un parmi les alliés d'Al-Khawarij, il va te dire, ce genre d'alliance, bah, vos pays, ils le font, vos gouverneurs, ils le font. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et Allah qui va lui dire, pourquoi ouvrir cette porte, hein, de laquelle après tu vas te faire avoir. Khlas, c'est des innovateurs, c'est des innovateurs. Hein? Ça suffit aux sunnis de lui décrire, de donner l'éclaircissement sur la bid'a du Khuruj de les décrire tels qu'il les a écrits, ça lui suffit pour se sauver d'eux. Mais les gens, ils te disent, mais les gens, ils ont gobé la voix des activistes musulmans, Ikhwan et autres. Tu ne peux les faire fuir de Daesh que si tu leur dis que ce sont des agents, que c'est la fabrication des Américains, etc. Quand tu leur dis ça, tu dis, Aoudoubillah, tu les vois. Hein? Mais si tu leur dis, c'est une bid'a, ce sont des khawarij, ça ne lui fait rien. Là, il va te dire, c'est un groupe musulman qui veut reconstituer la khilafa. Ben, il faut refaire revivre dans l'esprit des gens la peur de la bid'a, la peur du khourouj, la peur du tkfir. Et il faut sortir de ce cancan dans lequel les groupes comme les frères musulmans ont fermé la communauté. Il faut ça, ces groupes islamiques, ces mouvements islamiques. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme terme pour faire furer les gens et leur faire haïr nos gouverneurs? Qu'est-ce qu'ils disent d'eux? Les serviteurs des Américains. Agents de Mossad. Hein? Agents de l'Occident. C'est la même chose. Pourquoi agir de la même façon qu'eux? Pourquoi faire la même façon qu'eux? La même chose qu'eux? Pour faire éloigner les gens de l'égarement. Là, ça nous suffit de dire ce sont des khawarij, ce sont les pertuisés sur terre. Ikhlas. Et d'apprendre aux gens que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui, si celui qui les combat, c'est la récompense qu'il a, il ne fera plus aucune bonne œuvre. Il va attendre le temps d'aller les combattre avec un gouverneur. Ikhlas. Parce qu'ils ont dit qu'il y a une énorme récompense. Et c'est comme ça, c'est de cette manière que nous devons faire fuir les gens de ces gens-là. Et non pas à suivre les analyses de ces partisans de l'activisme musulman. Abadan. Et quand tu sais les avertissements concernant les tendances, il n'y a pas une tendance dans laquelle tu as une récompense. Aller combattre, tu as telle récompense que celle du Khawarij. La récompense qui en découle concernant celui qui va les tuer ou là celui qui sera tué par eux. Et ça, il faut que nous le prenions en considération et que ça devienne une réalité dans notre esprit et que nous l'inculquions à nos enfants, et à nos femmes, et à nous, et à la masse musulmane. Il faut qu'ils aient peur de ce que c'est que l'innovation. Et pour nous, il est clair, derrière Daesh, il y a quoi? Il y a l'égarement, il y a Shaitan, il y a l'innovation. Khlas. Non plus, chercher midi à 14h. Partons de là, une question suffit. Est-ce que le sunni, ça ne lui suffit pas d'entendre que tel est le khariji pour se fuir de lui? Ça ne suffit pas en tant que sunni d'entendre que celui-là, cette personne est un khariji pour fuir? Et le sunni, ça ne lui suffit pas de dire que Daesh, ce sont des khawarij. Pourquoi il court derrière ces expressions inventées par ces activistes musulmans? Nous devons rester sur la voie de nos hommes de science. Est-ce que ce genre d'expression, on va le trouver maintenant dans les expressions de Cheikh Ibn Baz, ou de Cheikh Al-Albani, ou de Cheikh Al-Uthaymeen? Abadan. On ne le trouvera pas. Ils font fuir les gens de l'innovation. Ça, c'est de l'égarement. Ça, c'est des khawarij. Ça, c'est des kfir khlas. Et ça, c'est notre devoir en tant que sunni. Pour faire comprendre aux gens le danger d'une innovation, c'est qu'il faut qu'on y arrive par les termes légiférés. Et non pas par les termes inventés et suivre dans ça quoi? Tu vas suivre la même voie qu'eux. La même voie que les chouchous. Maintenant, si le musulman ne prend pas mauvais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait mauvais et que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait mauvais. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit ce sont les pires des créatures. Et pour toi, cette... Ça ne te fait rien. Maintenant, est-ce qu'il est, il t'appartient? Ou là, tu as le droit? Est-ce que tu as le droit pour faire réagir les cœurs des gens, de le faire avec des termes politiques, hein? Et que celui-là, c'est un khariji, tu dis non, hein? Pour faire peur aux gens et les faire sauver de lui. Non, c'est un sioniste. Non, c'est un agent de la SAVAK. Non, c'est un agent de qui n'a pas d'agent. Et ainsi de suite. Hein? Là, abadan. Abadan. Ça te suffit en tant que sunni de savoir que c'est un khariji, tu t'éloignes de lui. Et tu utilises ces termes-là. C'est tout. Hein? Le fait de prendre quelque chose comme mauvais, hein, et de la détester, il faut que ce soit d'une façon légiférée. Non pas avec une innovation, non pas inventer des termes pour rendre quelque chose mauvais et pour éloigner les gens. Il ne faut pas qu'on suive dans ça nos passions et nos sentiments. Abadan. Pour montrer aux gens que cette voie elle est mauvaise, Allah a dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit. Allah a dit de, hein, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit que les khawarij sont les pires des créatures. Khlas. La même chose pour Daesh ou pour autre chose que Daesh. C'est notre obligation et c'est ce que nous devons inculquer aux gens de l'islam. Comme l'a inculqué Rasoul sallallahu alayhi wa sallam quand il a décrit les khawarij, il a dit quoi? Charul khalqi wal khaliqa. Les pires des humains et les pires des bêtes. Il les a appelés ainsi. Khlas. Hein? Donc le fait de montrer qu'une chose il est mauvaise, il faut que ça passe par la législation. Comme il a fait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Comme ont fait les nobles compagnons. Tu veux montrer le mal d'une jama'a ou d'un individu, il faut que ce soit avec des termes légiférés. Hein? Il faut que cet éloignement soit fait d'une façon légiférée. Religieusement. Si tu dis aux gens là, ils ont fait ça au niveau de la politique, hein, et qu'il t'a commencé à exciter les gens et les sentiments des gens par la politique, même s'ils s'éloignent, leur éloignement n'a pas été causé par la législation, donc c'est une innovation. Hein? Ça, c'est très important. Que ce soit en face de cette fitna de Daesh ou autre, nous ne devons pas sortir des termes, hein, de la législation. Hein? Nous ne devons pas, pour éloigner les gens, utiliser nos passions et nos sentiments. Abadan. Hein? Et il y a quelque chose de très important. Hein? Cheikh Ibn Baz, pour faire éloigner les gens de l'Khawarij et de leurs actes au moment de l'Algérie, au moment de l'Irak, la première crise du vent, il a utilisé un terme pareil. Abadan. Mais il a parlé en utilisant les termes qu'il y a dans la Sunna. La même chose, Cheikh Al-Uthaymin, etc. Nos pieux prédécesseurs ne l'ont pas fait. Hein? Ceux qui étaient avant l'imam Ahmed et ceux qui sont venus. Hein? Ceux qui se sont révoltés contre Ali. Il n'y avait pas de pays étranger qui était à côté d'eux. Hein? La Perse et Rome n'existaient pas. Pourquoi à ce moment-là, les compagnons qui étaient là n'ont pas dit que le Khawarij, c'est la fabrication des Zoroastriens de Perse et la fabrication des Romains, des chrétiens de Rome, de les Romains d'Orient. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit c'est des Khawarij. Pourquoi nous on va chercher? On va chercher les Américains, les Européens, etc. Pourquoi on tombe? Regarde, à cette époque où il y a eu le Khawarij, il y a plusieurs reprises à travers l'histoire musulmane, il y a toujours des pays qui ne sont pas musulmans autour, hein, de l'empire musulman. Et à chaque fois, les hommes de science, hein, leurs élèves, etc., utilisaient les termes légiférés. Ce sont des Khawarij, ce sont des Khawarij, khlas. Et ceci doit s'ancrer dans notre esprit. Nous devons œuvrer à l'ancrer dans l'esprit de notre communauté. Pas à attiser les sentiments de notre communauté et à jouer avec, avec des termes qui n'ont rien à voir avec la législation. Et quelqu'un d'autre va venir, il va te concurrencer sur les termes que tu utilises. Mais si tu utilises le terme légiféré, il ne pourra rien faire. Mais si tu vas chercher les termes utilisés par les tendances, etc., un autre va venir. Il va te concurrencer là-dessus. Hein? Là, maintenant, si on pose la question à quelqu'un, c'est quoi le plus important, le plus grand dans ton cœur, toi le sunni? Qu'on dise de quelqu'un c'est un khariji ou qu'on dise de que quelqu'un c'est un agent des Américains? Wallah, si tu acceptes la deuxième et que tu dis qu'on dise de quelqu'un c'est un agent des Américains, etc., ça veut dire que ton esprit il est pollué par la pensée de ces groupes activistes musulmans. Ça veut dire que ton esprit a été pollué par les idées de ces tendances d'Ikhwan et d'autres. Hein? Laboud. Je répète la question. Pose la question à quelqu'un. C'est quoi le plus dangereux, qu'on dise de cet homme que c'est un agent américain ou c'est un khariji? Ou c'est une fabrication américaine? Ben, s'il dit que c'est le deuxième qui c'est plus dangereux, ben là, ça a son esprit pollué par les tendances déviantes. Hein? Parce que celui qui est pire au niveau de la législation, c'est qu'il est khariji. Hein? Ici, il dit, c'est une fabrication américaine ou autre, ça veut dire que là, il est l'enfant de ces groupes politiciens islamiques. Hein? Il est l'enfant de ces activistes islamiques. Quand tu sunni, dont qui a les bases et qui a maîtrisé les bases sur lesquelles était Mohammed et ses nobles compagnons, il fit la différence entre eux, la terre et les étoiles. Hein? Il y a une énorme différence. Le plus grand des dangers, c'est que celui-là, il est khariji. Et ça me suffit en tant que sunni. Hein? Pourquoi je vais aller chercher autre chose? Ça me suffit le terme qu'a utilisé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ça me suffit le terme qu'ont utilisé les nobles compagnons radhiyallahu anhum. Hein? Donc le sunni, ce qui est dans la législation lui suffit. Ça te suffit qu'on te dise que Daesh est une kharijia. Parce que ça, c'est le terme le pire. Hein? Les pires tués sous le ciel de la vie, ce sont les khawarij. Hein? Donc, et maintenant on entend, tu entends, hein? Là, pour faire feu aux gens, il faut leur parler que Hada, c'est un agent des Américains, Hada, c'est un agent de la CIA, Hada, c'est un agent de... Khalas. Là, c'est un agent. Et Hada, qu'est-ce qu'ils font, les tekfiris maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font des prêcheurs de la salafia et des hommes de science? Ce sont des agents du gouverneur. Ce sont des agents à la solde des juifs. Ce sont des hommes de science à la solde des Américains. On tombe dans le même truc qu'eux. Il ne faut pas tomber dans le même truc qu'eux. Nous devons rester dans la ligne droite. Hein? La ligne qu'a tracé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Si on dévie à droite ou à gauche, ça veut dire quoi? On a pris leur chemin. On a laissé le chemin que Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisi. Ce chemin que nous demandons dans chacune de nos prières. Donc nous devons faire très attention à ça, à l'islam. Derrière Daesh, il y a l'innovation. Pour faire fuir nos contemporains de ce grand mal, il faut qu'on leur inculque le danger de l'innovation. Il faut qu'on leur inculque le danger du khuruj et du takfir. Hein? Et puis, khlas, s'ils ne sont pas convaincus avec ça, celui qui n'est pas, dont le cœur n'a pas été exhorté par le Coran et la Sunna, tu ne peux rien pour lui. Tu ne peux rien pour lui. Hein? S'il réagit au terme politicien, d'akhlas. Hein? Fais la prière du mort sur lui. Si maintenant il ne réagit pas à la parole d'Allah, à la parole du prophète, alayhi salam, son cœur, khlas, il a été, hein? L'innovation et l'esprit de l'innovation s'est accaparé de lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Fa subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu khairan.